Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Eh bien, salut et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Première Ligue Podcast, un podcast qui revient sous sa forme originale. Donc à ce propos, j'aimerais remercier Maxime qui m'a remplacé au pied levé la semaine dernière. J'étais complètement malade et ça s'en sent peut-être encore un peu. Qui dit forme originale dit forcément Rémi et Alice, salut les gars. Salut Sébastien. Donc comme vous l'avez dit, je suis Sébastien, c'est parti pour ce nouvel épisode. À Chelsea qui s'impose à Anfield face à Liverpool sur le score de 2-1 après avoir été mené au score. C'est la première fois que Chelsea ne se fait pas rattraper à l'extérieur face à une grosse écurie, ce qui signifie également un écart encore creusé sur ses rivaux, que sur Manchester City. Votre avis sur ce match? Ouais, bah c'était un match un peu particulier hein, puisque le Liverpool-Chelsea de la saison passée s'était terminé de manière assez cruelle pour les Reds, puisqu'on peut en partie dire que Liverpool avait perdu le titre sur ce match, donc il y avait un esprit revanchard, beaucoup de monde attendait Liverpool au tournant, et peut-être que ça aurait pu être une impulsion pour Liverpool et peut-être le lancement d'une saison, mais non, ça n'a pas été le cas. La victoire de Chelsea sur le score de 2-1 est pour moi globalement méritée en termes de contenu, hein, puisque Chelsea a dominé la rencontre et a maîtrisé la plupart du match, même si Liverpool est logiquement revenu en fin de rencontre, puisque Chelsea a géré son avance au tableau d'affichage. Donc voilà, Chelsea qui reste invaincu en Première Ligue avec une première place, 29 points plus sur 33, c'est monstrueux, et voilà. Quel résumé. De mon côté, ce que je pense du match, t'as quand même dit que Chelsea avait dominé la rencontre. Faut quand même souligner l'entame de match un peu particulière. À la 9e minute, le but de Chan, et avant ça, en fait, les Reds ont entamé le match un peu comme ils le souhaitaient. Alors, moi, je pense que les Blues les ont un peu laissé faire. Je pense que ce match Chelsea, comme tu l'as dit, ils l'ont maîtrisé, mais dans le sens où ils l'ont géré, c'est-à-dire ils sont pas non plus, ils ont pas fait une dépense d'énergie trop grande. Ils ont maîtrisé leur adversaire. Et dès qu'ils ont pris le but, d'ailleurs, on a vu la réaction hein, instantanément, en 4-5 minutes de pression, l'égalisation est obtenue. Donc ouais, de ce match, pour les Blues, il s'est dégagé une très grande impression de contrôle, de supériorité. Bah, en fait, comme pour chaque match depuis le début de la saison de Chelsea, à part contre Manchester City peut-être, on va dire excepté aussi le temps additionnel à Old Trafford. Malgré une performance en soi, moi, que j'ai trouvé assez décevante. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, Rémi. Par exemple, Hazard, qui était très inefficace. Peut-être pas mauvais en soi, mais devant le but, manque d'efficacité. J'ai trouvé aussi Matic un peu, comment dire, très performant, mais un peu débordant, pas très discipliné pour une fois. Ouais, une performance un peu laxiste avec cette non-sortie de Terry, pardon, sur le but de Chan, qui le laisse tirer à 25 mètres plein axe. Mais quand même une maîtrise, donc c'est quand même assez inquiétant pour Liverpool tout ça. Ouais, rapidement, donc ouais, c'est vrai que Chelsea est rentré dans la rencontre de manière assez tranquille, peut-être un peu trop, et Liverpool est bien rentré à l'inverse, ouverture du score rapide comme tu l'as dit, derrière les Blues ont répondu, et puis après, bah voilà, Chelsea a fait son boulot. C'est vrai que sur le premier but, on a un but assez bizarre où on a Chan comme ça qui a de l'espace, qui frappe des 25 mètres, un tir dévié qui rentre, on a Terry qui sort pas et on a quand même un espace énorme entre la défense et le milieu de terrain, j'y reviendrai plus tard. Mais ouais, voilà, donc Chelsea, c'est vrai que dans la gestion pour moi aussi dans ce match, voilà, Chelsea aborde les rencontres et contrôle et fait ce qu'il faut hein, pour juste tout simplement pour emporter la rencontre, donc voilà. Après, donc ouais, pour parler, t'as parlé un peu de Matic qui a été d'ailleurs nommé homme du match, hein, et je suis d'accord avec ça, puisqu'on sait que quand, notamment dans les 31 minutes, quand Liverpool a poussé, Matic a été absolument, absolument fantastique, quand Chelsea, en tout cas, est en phase défensive et ne joue pas en demi-terrain. Mais c'est vrai que, pareil, j'ai un petit peu de mal avec Matic, un peu de mal, c'est un peu abusé, mais quand Chelsea domine son adversaire et joue, voilà, en demi-terrain, en tentant de marquer un but, face à un bloc, je trouve qu'il est très peu discipliné, ouais, il y a beaucoup d'espace entre lui et la défense centrale. Et voilà, face à des joueurs de contre-attaque, c'est un peu difficile. Donc là, on a Sterling qui est passé un peu au travers de sa rencontre. On a Coutinho qui était pas mauvais, mais c'est vrai que Chelsea, je pense qu'aurait pu souffrir de ça. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, voilà. Bah après, peut-être que c'était aussi parce que c'était. Enfin, j'ai vraiment l'impression que les Blues n'ont pas sous-estimé les Reds, mais ils les ont pris pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire un adversaire quand même assez peu dangereux avec un attaquant, Balotelli, qui est en manque de confiance. D'ailleurs, encore une fois, le public a été mitigé lors de sa sortie, hein, pour la rentrée de Ricky Lambert. Donc voilà, des Blues avec en symbole Matic, qui ont au final, je trouve, ont vraiment fait le strict minimum en fait. C'est pour ça que c'était un match équilibré malgré une opposition déséquilibrée. C'est un peu le résumé du match. Un match équilibré parce qu'il était déséquilibré. Et vous, après, attends, que... ouais, désolé. Vous me dites que ouais, les Blues ont su maîtriser leur sujet, ont su gérer, etc. Je suis bien d'accord. Mais je trouve que le scénario du match ressemble quand même beaucoup au scénario du match de Manchester United et de Manchester City. C'est-à-dire le fait de reculer. Bon, cette fois-ci, il n'a pas fait rentrer encore un troisième milieu de terrain. Mais le fait de reculer et d'attendre, éventuellement pouvoir contrer si on peut, parce qu'avec Drogba, c'est pas si sûr. Faut quand même pas oublier aussi que il y a eu une main de Gary Cahill vers la fin du match qui aurait dû être sifflée. Hein. Bah, ah, c'est clair que Liverpool aurait dû obtenir un penalty en fin de rencontre. Après, voilà, moi, Ali, je serais pas si sévère que toi. Je pense que Chelsea a quand même globalement maîtrisé son sujet. J'ai vu de belles choses. Je te trouve assez critique en fait. Ouais, bah, enfin, il y a aussi un autre truc que j'ai pas abordé. Par exemple, c'est Fabregas qui a fait un match assez en deçà. Enfin, je pense qu'on a quand même en droit d'être critique avec ce Chelsea, mais il y a toujours un peu cette réserve. Est-ce qu'ils en gardent sous la semelle parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une saison très longue avec beaucoup de matchs en Ligue des Champions, etc. On sait pas trop comment les juger, en fait. C'est assez difficile. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de dire, regarde, ça marche pas très bien. Là, il y a une chose à parfaire, etc. Mais d'un autre côté, on se dit, bah, voilà, comme tu dis, ils ont 29 points sur 33 possibles. Ils sont largement premiers. Le deuxième, c'est Southampton, ils ne sont pas souciés pour le titre, a priori. Donc, ouais, c'est assez difficile d'émettre une évaluation. Et après, pour revenir un peu sur ce que tu dis, Sébastien, la main non sifflée et le scénario un peu qui se répète, bah, je pense vraiment que les Blues vont avoir besoin à un moment, face à une équipe dite grosse, de montrer autre chose en termes de contenu. Parce que, à force de jouer les petits bras, ça pourrait, dans une grosse occasion où ils ont besoin de faire un résultat, c'est-à-dire en Ligue des Champions, alors on pense directement à la Ligue des Champions, ça pourrait leur tomber sur le coin de la figure. Une fois où ils voudront gérer, et ben ils n'arriveront pas à obtenir le résultat qu'ils chercheront. En tout cas, Chelsea encaisse la moitié de ses buts, comme tu l'as dit, dans le dernier quart d'heure avant cette rencontre. Et notamment Chelsea, sur les 4 points perdus depuis le début du championnat, c'est à Manchester City, à Manchester United. Hein, donc un problème face aux grosses équipes, alors que l'an passé, on sait que c'était le gros point fort des Blues, qui n'avait perdu aucun match face aux grosses équipes. Mais là, je pense que ce match, même si voilà Chelsea peut-être un peu mitigé, mais au final, une victoire, et c'est un soulagement, je pense, pour les Blues, qui ont enfin réussi à tenir un score face à une grosse équipe, parce que même si Liverpool est en danger, Mourinho signale avant les matchs face à United ou à Liverpool que voilà, c'est des clubs... d'envergure internationale et que ça reste, même s'ils ont des problèmes dans les gros matchs comme ça, c'est des équipes qui vont vouloir y aller, qui vont être difficiles à jouer, donc voilà, des points pris face à une grosse équipe, une victoire et un score tenu jusqu'à la fin, voilà, je pense que ça va soulager un peu les Blues qui avaient besoin de ça aussi. Moi, je pense surtout que c'est la façon d'aborder les matchs de Chelsea qui va poser problème ou non d'ailleurs, c'est-à-dire que s'ils se mettent à jouer comme ils jouent contre les petits, contre les gros, c'est-à-dire sans trop reculer, en étant plein d'assurance et tout, ça se passera très bien. Si par contre ils jouent un peu sur la réserve et qu'ils jouent pas à 100%, ils seront clairement en danger sur certains matchs, peut-être même éventuellement contre des petits. Hein. Je les vois pas terminer la saison invaincus, pour être très honnête, et je pense clairement que le pire ennemi de Chelsea, le pire adversaire possible, c'est eux-mêmes. Ouais, en fait, oui, je suis vraiment d'accord avec cette analyse. Mais je suis aussi très très curieux en fait de voir Chelsea jouer en avançant comme tu dis face au gros, parce que je pense qu'en fait, on n'a pas encore vu vraiment de quoi ce Chelsea est capable, bizarrement. Hein. Pourtant, ils sont largement en tête, etc. Mais ils ont vraiment un effectif, enfin, un 11 de base qui, avec la balle, est effrayant. Et c'est vrai que je ne comprends pas trop en même temps ce choix de parfois laisser la balle face au gros. Moi, je pense que c'est une question de gestion physique sur le long d'une saison. Mais pour l'instant, ouais, ça donne un peu des matchs un peu bizarres. On sent qu'ils sont très supérieurs. En même temps, ils gagnent de façon petite, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la supériorité, tu peux pas la comparer à la supériorité de Bayern dans leur championnat ou éventuellement peut-être de la Juve dans son championnat, voire du Real dans son championnat aussi. C'est complètement différent. C'est-à-dire que Chelsea va jamais écraser une équipe. Alors, hormis le match un peu spécial contre Everton, ils n'écraseront jamais les équipes 6-7, 8-0 comme tu vois en Allemagne. Ce sera beaucoup plus dans la gestion, mais peut-être que sur la fin de la saison, ils seront beaucoup plus frais que ces équipes-là. Ouais, après, c'est pas un rouleau compresseur physique. Après, pour le coup, je pense que sur ce match-là, ils l'abordent un peu en laissant le banc Liverpool, parce qu'ils savaient que j'ai parlé, il y a une atmosphère assez spéciale sur ce match, et t'es en field, il y a tous les fans qui attendent ça, et Liverpool allait rentrer dans Chelsea dès le début de rencontre. Donc encore une fois, je pense qu'on est dans la gestion, et pour le coup, je pense que c'est pas mal réussi. Après, donc, est-ce que la meilleure chose pour Chelsea, ce ne serait pas de perdre un match, donc peut-être en Ligue des Champions, ou je sais pas, mais peut-être que voilà, là on a les débats en Angleterre, est-ce qu'on va voir les Invincibles comme Arsenal en 2003, bah voilà, peut-être ouais, qu'une défaite, ça pourrait évacuer tout ça, et derrière... Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de suffisance que dans l'effectif d'Arsenal d'il y a quelques années, donc je pense clairement que, j'ai dit, hein, ils finiront pas la saison invaincus, et je pense que ce sera clairement le cas, et à mon avis, la première défaite arrivera peut-être contre un petit, comme j'ai dit. Ouais, et puis bon, les débats de ce genre-là, ça c'est le genre de titre, c'est juste pour attirer les clics. Hein. Moi, je pense pas que ce soit un débat intéressant à faire. Et s'ils le font, bah, tant mieux pour eux. Mais ouais. Enfin, ça, c'est vraiment pas très intéressant comme question. Mais du coup, on a parlé d'une équipe qui savait gérer. Alors, on va parler d'une équipe qui sait moins gérer. Donc, après un scénario plus ou moins rocambolesque face à Anderlecht, Arsenal qui perd encore son avantage, cette fois-ci, c'est à Swansea. Donc, le score de 2-1 pour les Swans, avec à signaler notamment un but de Bafegomi. C'est son premier de la saison, d'ailleurs. D'où ma question, si Arsenal était une entreprise de gestion, ferait-elle faillite? Alors, en tout cas, cette année, le dépôt de bilan serait pas très très loin. En effet, ouais, il y a un vrai problème pour conserver des scores. Alors, le scénario le pire, voilà, ça a été contre Anderlecht, même si ça compromet pas du tout la qualification en Ligue des Champions pour la suite. Mais là, ouais, les Gunners qui réussissent à prendre l'avantage dans un match en plus qui ne méritait pas de gagner. Au Liberty Stadium, donc une équipe de Swansea qui a appris de jouer à son compte, qui a installé son rythme avec des bonnes et des moins bonnes périodes, mais dans l'ensemble Arsenal était plutôt dominé. Et cette contre-attaque, Sanchez qui trouve le chemin des filets grâce à une bonne action de Welbeck, et derrière Arsenal, le dernier quart d'heure, qui craque à nouveau, une contre-attaque de non pas Milan Baros mais Barrault, un petit remplaçant du côté de Swansea, coup franc, et l'homme venu du froid, Gylfi Sigurdsson, qui réchauffe le Liberty Stadium. Un magnifique coup franc dans la lucarne. Szczęsny, pour une fois, ne pouvait rien faire et n'a rien fait. Derrière ça, Arsenal qui plie. À cause de qui? À cause de Bafegomi, comme tu l'as dit. Mais en attendant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à pointer du côté des Gunners. Toujours les mêmes problèmes récurrents. Des problèmes d'erreurs défensives. Des problèmes d'équilibre tactique général. Des problèmes au milieu de terrain avec un Flamini. Et encore pire, un Ramsey dépassé par la situation. On peut parler de dépôt de bilan proche. Moi, je vais reprendre aussi la métaphore. Là, on peut dire qu'on a quand même une multinationale Arsenal qui a perdu face à la PME Swansea et qui s'est fait bousculer. Puisqu'à Swansea, on n'a pas une équipe type. Hein, pour petit rappel, on a Wayne Routledge qui réalise un très bon début de saison et Nathan Dyer qui ne sont pas là, remplacés par Marvin Emnes qui a notamment brillé en seconde division, mais qui à Swansea est un remplaçant plus qu'autre chose. On a eu Jefferson Montero qui a réalisé un excellent match face à Chambers. Et qui s'est baladé en façon sur le côté gauche. On a au milieu de terrain Jonjo Shelvey qui était suspendu, qui a été remplacé par Tom Carroll, jeune joueur formé à Tottenham. En défense, on a Kyle Bartley, formé à Arsenal d'ailleurs, qui faisait sa première apparition en Premier League. Donc Swansea est impressionnant dans le sens où on sait que les Swans réalisent une bonne saison. Et même si dernièrement ils avaient un peu plus de mal en termes de points, c'est souvent sur des rencontres assez bizarres. Mais là, pour le coup, avec une équipe remaniée, les Swans ont bougé Arsenal, ont dicté la rencontre, et donc c'est assez inquiétant pour Arsenal. Ouais, tu as aussi parlé du fait que c'était un peu la PME Swansea. Bon, c'est même là, carrément, on peut presque parler d'artisanat, même si le budget est loin d'être ridicule. Et qui dit artisanat, dit comment dire, comment on dit déjà en anglais, legacy, j'ai perdu le mot. L'héritage. Et voilà, de l'héritage. L'entraîneur de Swansea, c'est Monk, qui a joué sous la direction de Roberto Martinez à Swansea, qui transmet les mêmes valeurs du collectif du côté de Swansea, et également le sens du jeu, et avec au centre de ce système, le milieu de terrain, la place forte du jeu de Swansea. Moi, j'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur, une fois de plus, pour Sigurdsson. Hein. Les semaines s'enchaînent, il est déjà à 7 passes décisives et 2 buts en championnat, en 11 matchs. C'est presque digne de Fabregas, il a 9 buts et 9 passes décisives et 1 but. Début de saison de classe internationale, Sigurdsson, qui en plus est en train de peut-être d'emmener l'Islande à l'Euro. Je pense qu'il faut vraiment souligner ce début de saison incroyable de Gylfi Sigurdsson, joueur quand même qui a peiné à trouver sa place dans le football, dans la première ligue cette dernière saison, avec un passage de mi-figue mi-raisin du côté de Tottenham. Donc moi je dis bravo à Gylfi Sigurdsson et j'espère encore le voir marquer de beaux buts et signer de belles passes décisives dans les semaines à venir. Après, quand on parle de Sigurdsson, c'était peut-être pas lui le problème hein, dans cette équipe de Tottenham, hein, parce que quand tu regardes les résultats de Tottenham et la façon de jouer de Tottenham, je pense qu'il s'en serait, enfin, si ça se trouve, il aurait peut-être mis titulaire pour les matchs à venir, tu vois. Parce que clairement, il y a un déficit de ce côté-là dans cette équipe-là, et Swansea a profité à, bon, quand même payer plus de 10 millions de livres, hein. C'est quand même une somme, hein. Une somme que pourrait même pas verser le deuxième ou le troisième en France. Donc, Pas mal la PME, ouais. c'est une bonne PME déjà. Non, mais c'est vrai que pour ce côté PME, je te rejoins tout à fait dans le sens où t'as la moitié de l'équipe type qui était pas là, essentiellement en attaque au milieu de terrain. Donc du coup, ça fait beaucoup, surtout dans la façon d'organiser ton jeu. Et je suis clairement satisfait du boulot de Gary Monk. Et je pense que ce match-là, par exemple sous Laudrup, il aurait peut-être perdu. Là, Monk a réussi à les rebooster, à les rebouger. Et que tu regardes l'entrée de Barrow qui a joué aucune minute en première ligue 1, qui est tout jeune, le mec il a su se défoncer sur le terrain pour créer cette situation de coup franc marquée par Sigurdsson. Et j'aimerais aussi mettre en exergue et mettre en valeur le travail de Jefferson Montero, qui d'après moi ne sera plus remplaçant à partir du match prochain. Jamba, pour la poussière. Ouais, non, c'est clair que pour moi, Montero, de toute façon, depuis, on en a déjà parlé, je pense, un peu dans la présentation de Swansea, on avait dit qu'il devrait petit à petit s'imposer et mettre Nathan Dyer sur le banc. Il a prouvé, là, face à Arsenal, il a eu sa chance, et pour le coup, il a parfaitement réussi face à Colm Chambers qui réalise quand même une bonne saison du côté d'Arsenal. Et donc voilà, sur l'aile gauche, je pense qu'il va faire son trou avec Routledge de l'autre côté. En plus, ça permet à Gary Monk de pouvoir intervertir, d'avoir des ailiers avec un gaucher et un droitier, donc c'est clair que pour le coup là, dans le moyen terme et même maintenant dans le très court terme, il devrait devenir titulaire. Et sinon, pour parler un petit peu des absences, alors t'as souligné le fait que ça peut-être ça portait tort aux Swans. La semaine dernière, je voudrais pas un peu me vanter, mais là je crois que c'est un peu mon heure de gloire. Dans les pronostics, j'avais annoncé le fait que l'absence sur suspension de Shelby allait peut-être être un avantage pour les Swans. On sait que Shelby c'est un peu le facteur X, capable de marquer des buts de 35 mètres, de signer des passes décisives de la tête du milieu du terrain, enfin un peu de tout, et surtout de prendre des cartons rouges stupides, de perdre des ballons à 20 mètres de ses propres buts. Et je pense que c'était un peu ce qu'il fallait à Arsenal pour éventuellement remporter le match, c'est-à-dire avoir un Alex Sanchez à l'affût de chaque erreur de l'adversaire, alors que là, avec Carroll, Key et Sigurdsson au milieu de terrain, c'était peut-être un peu moins ambitieux, mais plus assuré. Et vu que le collectif de Swansea est bien plus équilibré en ce moment que celui d'Arsenal, j'avais vraiment confiance dans le fait que les Swans allaient s'imposer, et c'est ce qui s'est passé. Donc mon nez sonne creux. Et il y a une autre chose qui va faire du bien à Swansea, et on n'en a pas parlé, c'est le retour d'Elon Britton, qui était absent depuis le début de la saison, et qui va bien stabiliser le milieu de terrain. Je serais même pas surpris de le voir titulariser d'ici un bon mois, à la place de Shelby. Attention, il y a de la concurrence quand même, hein. Puis Britton, maintenant, il commence à avoir un certain âge. Enfin, je sais pas, je pense... Ça va être dur quand même pour lui de reprendre sa place. Ouais, surtout, Shelby a été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre en plus. Enfin, moi, j'aime pas mal Shelby. Je pense qu'il apporte, avec qui il se complète assez bien. Qui est capable de remonter les ballons, balle au pied. Shelby, lui, est capable de très bon distributeur quand il le veut. Donc, je sais pas pour Leon Britton, mais en tout cas, c'est clair que numériquement, ça va faire un joueur de plus au milieu de terrain. Donc, avec Tom Carroll là, qui a joué cette rencontre. Donc c'est clair que les Swans semblent armés après une saison difficile. À cause en partie de l'Europa League, cette saison, Swansea répond présent. Il y a eu un très bon début de saison. Ensuite, une passe un peu difficile avec des matchs assez bizarroïdes. Et voilà, là, Swansea sur ce match, de toute façon, Ali s'y attendait en tout cas. Donc voilà. Je sais plus ce que tu avais pronostiqué, toi. Moi, j'ai un match nul. Et deux partout, tu avais dit deux partout. Ouais. Pas si loin. Pour revenir sur Britton, moi j'avoue que j'ai un peu de mal. Enfin, j'aime beaucoup le joueur, etc. Mais je pense qu'il est vraiment situationnel dans le sens où il a besoin d'un, à côté de lui, d'un joueur qui ait une très très grosse activité, parce qu'on sait que Breton physiquement, c'est pas son fort, etc. Et il a une bonne endurance, mais il a très peu de, il a un coup de rein assez faible, etc. Défensivement, il se fait vite dépasser. Avant, il avait un bon complément avec Joe Allen, on se rappelle à l'époque, en championship puis lors de la montée. Mais aujourd'hui, qui dans l'effectif de Santi, alors peut-être qui a une bonne activité, c'est vrai, pourrait accompagner Breton. J'avoue que j'ai un peu des doutes, mais bon, peut-être je me laisserais surprendre par une nouvelle titularisation de Breton. Bah moi, je trouve que par exemple, la perte de José Cañas, qu'ils avaient signé gratuitement d'ailleurs du Betis, bah, ça, pour moi, c'est une vraie perte pour le coup. Parce que ça ramenait encore plus de consistance au milieu de terrain, et bah, du coup, t'avais de l'activité, t'avais. C'est mon choix et c'est mon avis, mais je pense clairement que Tom Carroll, il est encore un peu green, il est encore un peu vert. Et voilà, un mec expérimenté comme Cañas n'aurait pas fait de mal non plus. Non, mais le départ de Laudrup et de tous les joueurs qu'il avait ramenés a quand même touché le club, je pense, au niveau de l'effectif. Et en tout cas, avec bah voilà, avec la période hivernale qui arrive, le Boxing Day, on sait toujours que c'est une période très importante pour les clubs et ça peut être, un Boxing Day raté peut complètement renverser une saison. Donc c'est clair que ce retour de Breton, en tout cas, est bon à prendre. Ok, bah je pense qu'on en a assez parlé hein, pour ce qui est de Swansea Arsenal. À moins que vous lui parler d'Arsenal encore un petit peu, je sais pas. Mais ah non merci. Je pense que non. Bah, je pense que dans l'ensemble on a tout dit. Bah, on a rien dit et c'est suffisant, hein, parce que ça représente un peu ce qui s'est passé sur le terrain depuis quelques semaines d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Bah du coup on va passer au débat du jour. Il y en a de la tête et des épaules. Les candidats au titre ou au top 4 sont aux abonnés absents. Pour preuve, nous avons actuellement un classement composé de Chelsea, Southampton, Manchester City, West Ham et Swansea. Des équipes comme Liverpool, Tottenham et à degré moindre Arsenal sont aux abonnés absents. D'où ma question, le niveau du championnat d'Angleterre s'est-il affaibli? C'est une bonne introduction dans le sens où pour essayer de le voir, ça faut un peu comparer où en sont les équipes qui l'an dernier dominaient le championnat. Le champion Man City, par exemple, je pense qu'avec Rémi, on se rejoindra facilement, a quand même perdu en qualité et en quantité dans l'effectif. Et sur le terrain, ça se ressent, des performances en dents de scie. En Ligue des Champions, en plus, c'est pas comme s'il brillait aussi, ce qui pourrait être une excuse par rapport aux résultats en championnat. Il y a Agüero et Touré un peu... à part les Citizens. Du côté du Liverpool, pour l'instant, même si le bilan est peut-être c'est un petit peu trop tôt pour tirer un vrai bilan de leur saison, mais il y a une vraie baisse de niveau. Hein. Je pense que Liverpool est une équipe qui a perdu au moins, qui a baissé d'un cran au niveau de la qualité. Les Gunners, je pense qu'ils sont un petit peu en dessous de l'an dernier. Il y a que Chelsea en fait au final dans le top 4 qui a progressé. Donc ça fait 75% des équipes qui étaient dans les 4 premières l'an dernier qui ont. C'est un bon indicateur. Ensuite, il y a Man U qui l'an dernier n'était pas dans le top 4, mais qui il y a 2 ans a fini champion. Eux, les Red Devils, c'est assez simple. Le niveau n'augmente pas malgré la très mauvaise saison de l'an dernier. Carrément, c'est pire. Le bilan par rapport au regretté David Moyes au niveau comptable est encore pire. Donc, le championnat globalement voit ces têtes d'affiche, celles qui sont censées tirer le niveau vers le haut. Ces têtes d'affiche-là, elles ne font pas leur travail d'élévation. Donc, c'est quand même un gros argument en faveur d'un oui, le niveau du championnat a baissé. Ouais, non, mais c'est clair que je suis totalement d'accord avec toi. Et de toute façon, on l'a déjà dit, c'est depuis le début de saison que toutes ces grosses formations elles ne répondent pas au fait qu'elles élèvent normalement le niveau du championnat. On a un City, Arsenal, United, mais aussi Everton, Tottenham. Qui déçoivent et à l'inverse, on a des nouvelles équipes qui percent et qui elles profitent de ce manque de préparation et du fait que ces équipes-là ne semblaient pas prêtes en tout cas depuis le début de saison ou semblent en tout cas moins bien armées que la saison dernière pour engranger des points et pour monter au classement. On a évidemment Southampton qui réalisait déjà une belle saison, mais je pense que personne n'imaginait Southampton à ce niveau au classement en tout cas et les scènes sont montrer depuis le début de saison qu'ils étaient présents. On va voir sur la durée, mais en tout cas pour l'instant c'est une grosse surprise de cette première ligue. On a aussi West Ham évidemment, on a West Bromwich, mais Mais voilà, c'est vrai qu'on a très peu de surprises cette saison. On a très peu d'équipes qui pour moi ont évolué par rapport à la saison dernière. Et je pense aussi que cette première ligue a perdu un peu en niveau. Moi, je suis d'avis contraire, parce qu'il en faut toujours, de toute façon. Non, mais tout simplement, c'est un nivellement par le bas. J'appelle ça un nivellement par le bas. Un championnat n'est pas forcément, représentatif juste du top 4 de ce championnat-là. Donc, c'est clair que t'as Manchester United, t'as Liverpool, etc., qui devraient figurer dans le top 4, clairement. Mais je trouve que clairement aussi, les équipes du bas de tableau se sont bien renforcées. Et c'est sans doute dû aussi au droit télé mirobolant. Quand tu sais que, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Swansea a lâché à peu près 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, même le deuxième du championnat de France ne peut pas se permettre de faire ça. Donc je pense que, en fait, ce niveau du championnat, il est grosso modo peut-être un peu meilleur, voire égal à celui de l'an dernier. C'est juste que, comme vous l'avez dit, les équipes du top 4 ou top 7, on va dire, pour être plus large, ne font pas leur boulot. Par contre, à part les Burnley, à part les Leicester et les QPR, je trouve clairement que toutes les autres équipes ont su se renforcer correctement. Après, l'investissement, ça reflète l'attractivité de la première ligue, à mon avis, mais quand on regarde dans les faits, il y a beaucoup d'équipes qui ont investi et qui n'ont pas forcément ce retour sur l'investissement. On peut parler de QPR, on peut parler de Sunderland, on peut parler de Tottenham, on peut parler de Liverpool, on peut parler de Newcastle. Bon, ça va un peu mieux ces derniers temps, mais c'est vrai qu'ils ont connu un début de saison très très difficile et délicat. Donc ouais, je sais pas si le fait qu'ils investissent, ça reflète l'attractivité du championnat, mais je suis pas sûr. Après, il y a quelque chose qui pourrait illustrer ce que tu dis, c'est que on a trois promus, à part QPR, mais on a quand même Burnley, Leicester, on a aussi Crystal Palace. Bon, voilà, ce sont trois clubs là qui ont des moyens très limités, qui se retrouvent en bas de tableau parce que voilà, ils peuvent pas faire face à la concurrence. Enfin, en fait, ce que t'appelles nivellement par le bas, t'as dit que c'était un nivellement par le bas, sauf que si le niveau n'avait pas baissé, ce serait un nivellement par le haut. Donc finalement, tu dis qu'il y a un nivellement par le bas, donc ça veut dire que le niveau a baissé. Pas dans le sens où je voulais expliquer, c'est-à-dire que certes, des équipes ont un peu baissé de niveau. Après, tu sais, on est qu'à la 11e journée, tu perds un match, t'es 12e, en gagnant, t'es 4e. Donc il y a tout ça aussi. Je pense que là, on tire à boulet rouge sur des équipes, si ça se trouve, elles seront classées 3e, 4e à la fin du championnat. Enfin, tout simplement parce qu'il y a une profondeur d'effectifs malgré tout, et que en comptant quelques blessés par-ci, par-là, les équipes du tableau, genre Southampton, Swansea, West Ham, ne pourront pas durer, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, justement, je sais pas si t'as fait attention. J'ai quand même vraiment les contenus des matchs plutôt que les bilans comptables. Une équipe comme Man City, je pense qu'au niveau comptable, ils sont très très proches de ce qu'ils ont pu faire l'an dernier. Mais c'est sur le plan des contenus, en fait, où c'est bien plus inquiétant. D'autant qu'ils font peut-être même pire que l'an dernier en Ligue des Champions, dans une poule qui est plus facile. Une équipe comme Liverpool, là, de toute façon, là, je pense que eux, effectivement, on peut pas encore les juger, en fait. Mais rien qu'au niveau du mercato, eux, ils ont perdu en qualité, c'est indéniable. Une équipe comme Arsenal, on dira ce qu'on veut, ils ont peut-être gagné un super joueur offensif, un super élément offensif, mais le niveau global de l'équipe, pour moi, a baissé. Il y a vraiment des problèmes. Bon, certes, les blessures expliquent en partie ce problème-là. Une équipe comme Man U a dépensé beaucoup d'argent pour un gain sportif très limité. Et pire encore, moi je pointais les équipes qui ont de l'argent grâce à la redistribution des droits télé. Moi, j'avais un argument pour démontrer le fait que le niveau de championnat a baissé, c'est qu'il y a énormément d'équipes qui dépensent beaucoup d'argent dans le milieu de tableau, mais c'est des choix hyper douteux, quoi. Alors moi je pointerais là une classe très précise du football, les dirigeants. Il y a beaucoup de dirigeants très très douteux, voire véreux dans le football anglais. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est Mike Ashley du côté de Newcastle, qui dépense quand même énormément d'argent pour des résultats, même si en ce moment ils sont plutôt sur une pente ascendante de la montagne russe, je pense qu'ils vont, vous allez voir, ils vont faire des séries dans l'autre sens. Mais il y a d'autres équipes dont on parle beaucoup moins souvent, par exemple une équipe de Sunderland a beaucoup de moyens, une équipe comme Hull a beaucoup de moyens, et ils ont certes des entraîneurs, par exemple Sunderland, eux ils virent leurs entraîneurs quand même assez régulièrement. Il y a un mec comme O'Neill, on lui a pas donné des masses de temps. Dicanio, n'en parlons même pas. Dicanio était peut-être pas un bon entraîneur. Même West Ham ça dépense beaucoup trop d'argent. Alors cette année ça paye, mais les années passées ils dépensaient autant d'argent, voire même peut-être plus parfois, et il y avait pas de résultats. La différence, je trouve, je suis désolé de te couper, c'est que finalement les petits clubs ont su cibler les endroits où il y avait des trous, chose que n'ont pas su faire, genre Arsenal, Manchester City, à degré moindre aussi. Mais voilà, quand tu regardes les gros clubs, Arsenal, Liverpool, etc., je trouve qu'ils n'ont pas su cibler non plus les endroits auxquels ils avaient des besoins. Après, il y a beaucoup de gros clubs aussi qui sont en transition, il faut pas l'oublier. On a un Tottenham qui, depuis le départ de Bale, c'est un peu du n'importe quoi. On a deux entraîneurs la saison passée. Cette saison, on a Pochettino qui était attendu au tournant et on pensait vraiment qu'il allait redonner un nouvel élan à Tottenham, et malheureusement, c'est loupé. Donc on a Tottenham, ça va faire deuxième année de transition où en fait on a un entraîneur qui est arrivé au mois de novembre, cherche encore ce qu'il doit faire. À Liverpool, c'est pas mieux puisque avec le départ de Suarez, un mercato critiquable mais qui semblait complet, mais finalement ça prend pas du tout. On a un entraîneur qui là encore ne connaît pas son système. Pour moi, il y avait un 4-4-2 diamant qui avait l'air d'assez bien fonctionner avec Sterling en 10. Et finalement, ça cherche, ça patauge. On tend des joueurs, on a vu notamment le match au Real de Madrid. Donc Manchester United évidemment qui là est en transition après la saison catastrophique de la saison passée depuis le départ de Sir Alex Ferguson, où on a un effectif qui mérite d'être, qui doit être renouvelé évidemment. On a Mercato qui va dans ce sens, mais évidemment l'effectif n'est pas encore bâti. Ça explique aussi le fait que ces équipes-là soient tirées vers le bas, mais je suis pas sûr que ce soit le niveau global qui fasse qu'elles soient... Moi, j'ai un argument peut-être de poids, c'est tout simplement qu'on est en année de Coupe du Monde. C'est-à-dire que les joueurs sont revenus directement de la Coupe du Monde pour repartir dans le championnat. Ouais. Et quand tu regardes bien, même le Real Madrid a eu du mal en début de saison dans son championnat. Le Barça commence à peiner aussi, le PSG a peiné aussi dans son championnat. La Juve, c'est pas aussi génial que d'habitude. Donc faut aussi relativiser et se dire que les mecs sont peut-être cramés et que au fur et à mesure de la saison, ils seront peut-être un peu mieux aussi, tu vois. Oui, bien sûr, mais par exemple, quand on prend l'exemple de Liverpool, eux, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, ou même Tottenham, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, c'est des équipes du fait de leur présence. En fait, tu parles de Tottenham, l'argent est dépensé absolument n'importe comment. Et d'ailleurs, le pire dans cette histoire, c'est que les acteurs qui en font les frais, plus que les joueurs, sont les entraîneurs. Alors, certes, à Liverpool, c'est pas le cas, mais à Tottenham, les entraîneurs défilent. Et là, je pointe les garants du niveau d'un championnat, ce sont les présidents, c'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils font de leur argent. Et en Angleterre, il y en a énormément d'argent. Et on parle souvent de la France, de l'utilisation de l'argent. Mais moi, à part quelques clubs aujourd'hui en Angleterre, c'est-à-dire en fait, globalement, Chelsea et Arsenal, excepté les 2-3 dernières années peut-être, les clubs font quand même globalement n'importe quoi de leur argent. Je pense que Tottenham, tu regardes les statistiques des sommes dépensées depuis 5-6 ans, c'est juste n'importe quoi. Et on pourra dire oui, ils ont reçu de l'argent grâce au transfert de Bale, etc. Ils font n'importe quoi. Cette équipe aujourd'hui, elle vient de perdre ce week-end 2-1 contre Stoke. Et je vous le dis, Stoke, ils ont un meilleur milieu de terrain que Tottenham. Pourtant, j'adore Mason, mais Nzonzi, Sweet Sidwell, c'est quand même pas très dur d'aller chercher ça à Tottenham. Et pourtant, ils sont meilleurs que Mason, Capoue. Mais non, mais ça, pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Lévy, qui dépense des dizaines de millions d'euros dans des joueurs comme Chadli, que après l'équipe du dimanche est obligée de dire « Oui, Chadli, c'est un grand joueur, etc. » Blablabla. Non, non, non. Chadli, c'est juste frapper un ballon et faire quelque chose. Non, mais après Chadli, c'est le seul joueur qui sort un peu de ce marasme aussi. C'est tout simplement ça. Non, non, il en sort pas. Il brille, mais c'est superficiel, moi, je pense. On va pas faire un débat sur Chadli, mais le fait qu'une équipe dépense autant d'argent sur un joueur comme Chadli et que ce soit lui qui brille, ça prouve que Tottenham, ça va mal à Tottenham, quoi. C'est pas un joueur qui est censé... c'est un joueur de complément, ce joueur. C'est pas un joueur qui va tirer une coupe. Au final, les situations que ce soit Tottenham et Liverpool sont très semblables, hein. C'est-à-dire que tu vends un joueur très cher et que tu sais pas comment remplacer l'effectif ou le renforcer. Ah, c'est clair. C'est clair. Après, tu parles de Tottenham, mais Lévy, c'est quand même un très bon businessman dans le sens où il rapporte énormément d'argent à Tottenham. Il est capable de vendre des joueurs à des prix assez incroyables. Mais bon, voilà, c'est sûr que l'argent, pour le coup, a été dépensé un peu bizarrement. Et quand on voit, là, on a parlé de Sigurdsson, mais quand on voit la réussite de Sigurdsson à Swansea, c'est clair qu'on peut se demander ce qu'est en train de faire Tottenham. Après, on va pas faire un débat sur Tottenham. Mais sinon, pour revenir au débat, je pense qu'il sera intéressant, en tout cas, de réétudier et de reparler de cette question dans quelques mois, puisqu'il faut aussi étudier la dynamique des équipes. On a un Everton, par exemple, qui connaît un début de saison fragile à cause notamment des blessures, mais je pense que la pente va être ascendante. Là, on est déjà sur 4 comptes sans défaite. Everton devrait revenir au classement. On a un Manchester United qui, à mon avis aussi, faut voir si les blessures, notamment dans la défense, les épargnent. Mais Manchester, pareil, devrait revenir sur le devant de la scène. City, bon bah City en ce moment est orphelin David Silva, donc c'est un peu difficile, mais pareil, c'est une équipe qui en fin de championnat devrait là encore être au rendez-vous. Donc les grosses équipes, ouais, les petites, là on est encore sur du court terme, hein, on est encore qu'en novembre, donc je pense que ces situations seront régularisées d'ici. Ouais, d'ici et puis on parlait d'effectifs, mais clairement tu disais le Boxing Day, ce sera le moment où on verra si les équipes peuvent tenir la dragée haute ou pas. Et là tu verras surtout au niveau des effectifs, c'est-à-dire qu'une équipe qui peut doubler tous les postes, forcément elle va survivre un peu mieux le Boxing Day qu'une équipe comme Swansea, à degré moindre West Ham parce qu'ils ont quand même du banc. Mais toutes ces équipes, même Southampton, vont commencer à baisser de pied aussi. Je peux m'engager déjà à le dire, hein. Enfin, ce serait pas une surprise, quoi. Ah oui, ça c'est clair, c'est 100% sûr. C'est 100% sûr. Mais enfin, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, tu as parlé d'Everton, de Swansea. Il y a quand même des motifs d'espoir sur le niveau du championnat. Moi, j'ai beaucoup parlé des dirigeants parce que je pense qu'ils sont grandement responsables pour, on va dire, quasiment un tiers des clubs de Première Ligue, c'est-à-dire tout ce qui est Tottenham, West Brom, Newcastle, tous les clubs qui ont suffisamment de moyens pour viser une qualification en Europa League, mais qui, par incompétence sportive, soit des dirigeants, soit des directeurs sportifs nommés, n'arrivent pas à avoir des résultats corrects et tirent le niveau du championnat plutôt vers le bas. Il y a des entraîneurs et qui sont appuyés par leur board, etc., qui sont très talentueux. Tu as parlé d'Everton, il y a Roberto Martinez. Il y a un peu son enfant Gary Monk à Swansea. Il y en a un qui est pas très bien loti, c'est Lambert à Aston Villa. Malheureusement, lui, il a peut-être les pires dirigeants du royaume là pour le coup. Aston Villa, c'est la catastrophe. Hein. Les fans, alors là, ils reviennent un petit peu au stade, mais bon, ils arrivent même pas à remplir Villa Park, alors que c'est un club quand même qui a une certaine ferveur de supporters. C'est même plutôt un grand club d'Angleterre, Aston Villa. Mais enfin voilà, il y a certes ces motifs d'espoir, mais je trouve quand même que globalement, on a des grosses équipes qui, elles, sont assez dures à juger pour quelques-unes, mais qui ont perdu à cause de Mercato, mal géré, donc ça à cause des dirigeants. On a deux équipes qui créent la surprise parce qu'il y a de la place qui est libre, c'est-à-dire Southampton et West Ham. Et il y a tout un tas d'équipes qui sont dans le ventre mou, qui ont pas mal d'argent et qui ont des dirigeants assez proches de l'incompétence. Voilà, pour moi, c'est ça le bilan. Et je trouve que ça c'est pas forcément une constante, ça va plutôt en se dégradant à cause de la tendance économique, c'est-à-dire des businessmen qui voient dans la Première Ligue l'occasion de se faire de l'argent, un peu comme Mike Ashley. T'as cité également Légy, enfin il y en a bien d'autres, hein. Celui qui a Hull City veut renommer Hull City Hull Tigers, l'autre clown à Fulham qui voulait faire une statue de Michael Jackson, finalement ils l'ont enlevé, enfin il y en a plein. Mais après aussi, bon, finalement on a Chelsea quand même qui mastodonte de championnat, enfin rendez-vous compte, c'est quand même 11 matchs invaincu, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça en Première Ligue et aucune équipe n'a pour l'instant été capable de renverser les Blues. Donc que ce soit une grosse équipe, on a parlé des soucis des grosses équipes, mais aussi même les petites équipes, ce qui fait le charme de la Première Ligue aussi, c'est qu'aucun match n'est connu à l'avance, on connaît pas l'issue et chaque match est disputé au possible et chaque petite équipe est capable de battre les grosses équipes. Or pour l'instant, Chelsea, même si Chelsea a été bousculé à plusieurs reprises, les équipes n'ont pas réussi à battre les Blues, et donc je pense que même si le mercato et l'argent dépensé laissaient à penser que la plupart des équipes, voire la totalité des équipes, s'étaient renforcées et le niveau de la Première Ligue allait s'élever, eh bien l'essai n'a pas été transformé et beaucoup beaucoup déçoivent. Après, mais sinon il y a aussi un autre indicateur peut-être, c'est les résultats en Coupe d'Europe, peut-être on peut en parler ça aussi. Pour l'instant de toute façon il y a quand on voit Manchester City, après c'est assez symptomatique parce qu'en Angleterre ça fait assez longtemps qu'il n'y a que Chelsea qui vit sur la scène européenne. City, même ça fait relativement peu de temps que Arsenal bute en huitième de finale tout le temps maintenant. United a un peu disparu. C'est pas la même culture du tout, c'est-à-dire que Chelsea il y a vraiment la culture de la Coupe d'Europe, chose que les clubs anglais n'ont pas vraiment les derniers temps. Hein. Enfin, ça a un petit peu disparu. Je pense pas que pour Arsenal ce soit une question de culture, hein. Je pense que c'est tout simplement une question de niveau. De limite, quand t'es pas capable de battre une PME, tu peux peut-être pas battre en direct. Et ça, c'est encore une fois un symptôme, je pense. Moi, je pense que Arsenal, qui arrive à subsister dans le top 4, malgré une baisse de niveau constante, c'est un symptôme de plus qui corroborerait. Moi, je pense pas que la baisse de niveau soit dramatique, mais je pense qu'il en existe une et que. De l'autre côté, t'as d'autres championnats qui en plus voient leur niveau de jeu augmenter globalement. De toute façon, je pense que voilà, on saura pas encore répondre à ce débat maintenant, mais au fur et à mesure de la saison, on pourra peut-être en reparler d'ici là, peut-être après le Boxing Day, tiens, parce que du coup, on saura un peu plus sur l'état de forme des équipes des unes et des autres. Hein. C'est clair que les tendances vont se dessiner à ce moment-là, en tout cas. Ouais, il y aura plusieurs points. Il y aura le Boxing Day et puis il y aura les résultats des clubs anglais en Coupe d'Europe. Évidemment, il faudra bien contextualiser. Peut-être que Everton va faire un raid en Europa League. Même Tottenham, hein. Même Tottenham peut faire quelque chose en Europa League, hein, puisqu'ils sont pas si. Ah, Tottenham, enfin, désolé. Moi, j'y crois pas trop quand même. Je pense que tant que Daniel Levy donnera pas de temps à ses entraîneurs, Pochettino, moi, je me fais beaucoup, beaucoup de soucis pour l'avenir de Pochettino à Tottenham. Je pense que ce monsieur-là, il a besoin d'avoir du temps pour lui, etc. Là, il commence à y avoir des frictions entre les fans et les joueurs. Il y a Adebayor qui a déclaré qu'il préférait jouer à l'extérieur qu'à domicile. Moi, je me fais un peu du souci. Je pense que Lévy, il est du genre à dégainer assez rapidement le chèque de licenciement. Enfin, toujours est-il que... toujours est-il que c'est quand même l'entraîneur qui fait jouer Danny Rose. Hein. Enfin, bref. Ah, en voilà, plus, hein, en plus. Et quand tu vois la merde qu'il a su faire encore contre Stoke City, voilà. Ouais, non, mais par contre, offensivement, Danny Rose, je le vois progresser sous Pochettino. Alors, tu soulignes aussi. Mais sur le banc de touche, t'as Ben Davies qui a été recruté à Swansea et pour combien bah, pour 10 millions peut-être ou non, ou il a été changé ou avec voilà, Everton. Bon, voilà. Et donc t'as un Ben Davies, bon, si tu veux de l'apport offensif, tu mets Ben Davies. Enfin, ça pour moi c'est une énigme aussi. Ah, hein, enfin, bref, on va peut-être s'arrêter sur notre débat qui est clairement pas terminé, qu'on continuer plus tard, mais on va peut-être passer maintenant du coup au top et au flop. Et des flops, et on va commencer par le top de Rémi. Alors, mon top cette semaine, c'est Burnley. Enfin, la première victoire du temps que j'attendais. Ça fait 11 matchs que j'attendais la victoire de Burnley, les hommes de Sean Dyche. Enfin, alors, en plus, j'ai regardé les matchs. Donc, face à Hull City, c'est peut-être pas le match le plus sexy, mais pour moi, Burnley a mérité sa victoire et très très content avec un but d'Ashley Barnes, donc, qui faisait les beaux jours de Brighton en D2. Et qui, voilà, sur un centre de Kieran Trippier, excellent, je sais pas, mais en tout cas très bon arrière droit qui devrait connaître une carrière de première ligue, même si Burnley redescend. Voilà, qui vient mettre sa tête, marquer ce but, donner la première victoire à Burnley. Donc Burnley reste la lanterne rouge du championnat, 7 points, c'est-à-dire à 2 points de Crystal Palace qui est premier non relégable, mais cette victoire va faire un bien énorme psychologique aux joueurs tout d'abord, puisque 11 matchs sans victoire, c'est forcément une situation très difficile. C'était la seule équipe dans cette situation. À l'entraîneur notamment aussi, Sean Dyche, qui va pouvoir enfin souffler et construire. Et puis évidemment aux supporters, ça va amener un peu d'enthousiasme à Turf Moor, donc c'est tout bonnement. Après, c'est pas l'enthousiasme qui leur manque, hein. Je sais que... Ah, ça, ouais. Non, c'est sûr, mais personnellement, après 11 matchs, en tout cas, c'est vrai que le doute peut commencer à s'installer et cette victoire-là... Ouais, ou même un petit peu de tristesse à l'idée d'être condamné trop tôt. Là, au moins, ça relance. Et il recolle et ça, c'est très bon pour le championnat, hein. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, au passage, juste un petit commentaire en rapport avec le débat de tout à l'heure. Hull City, c'est 4 fois le budget de Burnley facilement. Hein. Et pourtant, l'équipe qui a brillé sur le terrain ce week-end, c'était bien Burnley. Ils ont fait plaisir à voir. Moi aussi, mais Burnley, c'est l'auto-entreprise, hein, si on devait comparer à la PM tout à l'heure. Ah oui, là, carrément, c'est le mec, il est autodidacte. Et c'est ce qui fait du bien aussi à ce foot anglais. Donc, voilà. Ah, c'est clair que ça porte un charme encore supplémentaire à cette première ligue que d'avoir des clubs comme ça qui arrivent et qui réussissent. Bon, pour Burnley, c'est un peu difficile, mais voilà. On passe au top d'Ali, du coup. Ouais, alors, là, peut-être je vais vous surprendre. Mon top, c'est Harry Redknapp. Je suis assez heureux de voir ce que font les super ups de QPR depuis 3 journées, avec des dispositions assez offensives, avec ce que j'avais réclamé à corps et à cri, et à cœur et blabla, je ne sais pas l'expression. L'association, alors là c'est encore pire, hein, c'est non seulement Austin Vargas mais aussi Bobby Zamora. Et ça paye, c'est-à-dire que QPR se crée des occasions. QPR, certes, c'est pas une équipe qui va pratiquer un jeu flamboyant, mais ils sont dangereux. C'est une équipe qui maintenant marque des buts. Alors ils en encaissent encore quelques-uns, mais ils ont réussi à faire un résultat positif contre Aston Villa, l'emporter 2-0. Et là, ils ont eu 2 grosses équipes au programme et ils se sont sortis avec les honneurs par rapport au début de saison là où c'était 4-0 à tous les matchs là. Là maintenant, QPR c'est une équipe qui semble un peu plus consistante, et grâce à quoi ? Grâce à un choix offensif. Et ben moi je dis bravo monsieur Redknapp, vous me surprenez. et continuer dans cette voie, car c'est en marquant des buts qu'on remporte des matchs de football, tout simplement. Ouais, bah, si possible, sans en encaisser 5 après. Ouais. Et mais toutes les choses qu'ils ont quand même réussi à améliorer, ça, faut le dire. Tout ça en marqué dans son propre but. Ah, ne me spoil pas. Bah, j'ai passé à mon top et c'est pas une surprise, enfin, du moins pour moi, et je pense qu'on en reparlera pas plus tard que tout à l'heure. C'est Jefferson Montero qui a mis la misère toute la défense d'Arsenal. D'ailleurs, la défense d'Arsenal se met la misère toute seule, hein, mais voilà, Jefferson Montero en profite aussi et clairement va gagner sa place de titulaire au détriment de Nathan Dyer, comme on en a parlé avant. C'est un ailier très percutant, très technique, rapide. Alors je sais qu'avant de signer, ils étaient notamment en contact avec Dimitri Payet de Marseille. Donc c'est un peu le même profil, peut-être un peu rapide, un peu plus technique. J'avais un peu peur qu'il joue tout seul, comme c'était le cas au Betis Séville il y a quelques saisons. Et c'est pas du tout le cas. Le mec sait faire des passes, il en fait. C'est pas du Jean Jiménez, et c'est une bonne augure pour la suite. Alors mon flop, c'est Manchester City. Manchester City, qui a fait 2-2 contre Queen's Park Rangers. Donc dans les contenus, Manchester City, ça fait un petit moment que c'est pas vraiment ça. Là, les Citizens ont perdu David Silva et ça se ressent sur le terrain, puisque là, pour le coup, en tout cas, on a une vraie Agüero-dépendance. On a Agüero qui va sauver City là, en marquant ses deux buts face au QPR. Et Pellegrini, je vais le mettre dans le sac aussi parce que je comprends pas ses choix, j'ai un peu de mal. Quand je vois James Milner qui commence sur le banc et avec un Samir Nasri titulaire, j'ai vraiment du mal parce que j'ai déjà souligné le fait qu'il manque un peu de poids sur les ailes du côté de City. Et Milner réalise du très très bon boulot pour les Citizens à chaque fois qu'il joue et il démarre encore la rencontre sur le banc et je trouve que c'est un mauvais choix pour un joueur qui est méritant et qui mérite de démarrer les rencontres. Ouais, d'autant que Nasri était côté gauche, si j'ai bon souvenir, et côté droit, l'attaquant côté droit, enfin le milieu latéral de QPR, c'est Vargas, qui est vraiment excellent depuis qu'il joue pour les QPR, pour les Hors, pardon. Alors mon flop, ce sera, c'est une sorte de un flop partagé à deux, un petit peu une petite alliance entre Wes Brown et Romelu Lukaku. L'un parce que pour le troisième match de suite, il a offert un ballon de but à un attaquant adverse. Et à Romelu Lukaku, qui lui a carrément trouvé le moyen de la manquer cette occasion. Donc c'était un peu aussi pour pointer la même forme défensive du côté de Sunderland, même si ça va un tout petit peu mieux ces derniers temps, mais qui est un peu latente, des mini-boulettes qui sont encore faites. Et de l'autre côté, la continuelle déception autour de Romelu Lukaku, qui ce week-end encore s'est montré bien peu inspiré devant le but, avec toujours ses carences dans le jeu au niveau de la conservation du ballon, de la qualité des contrôles, des déplacements sur le ballon, enfin du Romelu Lukaku. Il progresse vraiment très très lentement, le Belge. Mon flop, ça va pas vous surprendre non plus, puisque j'ai le même que Rémi, c'est Manchester City, on peut les appeler comme ça pour le coup. on peut. Franchement, c'est à des années-lumière de ce qu'on a pu voir, ne serait-ce que l'an dernier. Mais t'as toujours l'impression que ce Manchester City là, c'est l'équipe d'un joueur. L'an dernier c'était l'équipe de Yaya Touré, cette année c'est l'équipe de Agüero. Mais t'as pas l'impression que les mecs jouent en équipe et qu'à un moment donné tout le monde va aller au diapason et jouer dans le même sens. Défensivement, je trouve que c'est plutôt faible pour le coup. Je me demande pourquoi par exemple un mec comme Gaël Clichy joue, clairement. Je me demande. Même quand il joue, il lui est arrivé de jouer Clichy d'ailleurs, même pas à son poste. Bien sûr, et puis même de toute façon Kolarov c'est pas un très grand défenseur également. Hein. Clichy, Sagna, tout ça, c'est pas non plus une grande garantie, même si c'est des joueurs. Et puis t'en oublies un, c'est quand même Demichelis qui se fait quand même assez vieux. Alors certes techniquement il apporte quelque chose, je trouve, Demichelis, mais pas Demichelis, si tu regardes à sa façon de courir, ça fait déjà 20 ans qu'il est vieux, donc voilà, ça a jamais été. Après on a Zabaleta sur le banc aussi. Ouais, là ouais, c'est pareil. On en revient au choix incompréhensible. Zabaleta, c'est le taulier, c'est un des tauliers de Manchester City. S'ils sont champions l'an dernier, c'est en partie grâce à lui. Que ce soit offensivement ou défensivement, pour moi, c'était le meilleur latéral droit du championnat, et clairement. Donc voilà, toutes ces raisons font que Manchester City, c'est un flop en ce moment. Et tu regardes au niveau des points pris, déjà, c'est pas très convaincant, et en plus, ça avance pas. Ouais, et puis, pour un peu aller dans ton sens, ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois que je vois Pellegrini dans Match of the Day, intervenir après les matchs, chaque fois il a l'air agacé et puis il nous explique que son équipe aurait mérité gagner. Il y a toujours un arbitre, un coup de chance de l'adversaire, et il remet jamais vraiment en question ses choix tactiques, ou même la performance de ses joueurs tout simplement. Je trouve ça assez malsain en fait de sa part. Ça me rappelle un peu le Allardyce avant là, tout est rose de cette année là. Où ces entraîneurs qui en général remettent la faute sur des causes extérieures. Tout simplement, ils pourraient pratiquer l'autocritique. Et je suis content parce que d'un autre côté, moi je parlais déjà des choix de Pellegrini lors de notre preview de la saison en disant que un coup il faisait jouer Negredo, le mec il marquait plein de buts et d'un coup tu le voyais plus, Navas c'était pareil et il continue comme ça avec ses joueurs. Voilà, il y a des choses qui sont pas compréhensibles. Ou alors, à la limite, qu'il les explique au moins. Je trouve qu'il ne sait pas visiblement faire. Alors, on l'appelle l'architecte, mais j'ai un peu peur que l'architecte va tout démolir là. Hein. Et puis Jovetic aussi, qui faisait un bon début de saison, qui est un peu blessé. Là, sur le banc de touche. Là, on a Nzeko qui se blesse aussi, donc c'est sympa. City qui va se retrouver avec deux attaquants de pointe, ça s'annonce. Ça sent la PME, c'est bien. on en a fini pour le top et le flop. On va passer à un autre top. Ce sera le top 5. La semaine dernière aux déceptions de ce début de saison, cette semaine on va faire l'inverse, donc avec les bonnes surprises de cette saison en cours, et on va commencer par numéro 5, Dali. On en a déjà parlé, c'est le nouvel ailier de Swansea, Jefferson Montero, que personnellement je ne connaissais pas du tout. Apparemment tu as dit tout à l'heure qu'il avait joué au Betis Séville, très bien, il a joué au Betis. ce petit Jefferson Montero, dès son premier match, alors je ne sais plus contre qui je l'avais vu jouer au début de saison, deuxième journée ou troisième journée, je l'avais trouvé très très intéressant, avec un coup de rein assez exceptionnel. Franchement, il y a assez peu de joueurs en Premier League qui ont un tel coup de rein. Je pense à Hewlett, je pense à Hazard, quand je vois celui de Montero. Il y a peut-être Offside aussi qui a... Tu vois, c'est peut-être... Ouais, après Offside, le problème, c'est qu'il faut qu'il garde la balle dans les pieds. Jefferson Montero, lui, il arrive à la garder dans les pieds, et il donne de sacrés bons ballons quand même. Allez voir tout simplement sa passive ce week-end contre Arsenal. Il déborde à une vitesse folle, il met une super accélération. Et il met un ballon piqué, magnifique vraiment, du pied gauche, alors qu'il me semble qu'il est droitier quand même. Il est droitier. Vraiment, Jefferson Montero, c'est une très très bonne surprise de ce début de saison, d'autant que pour moi, il est vraiment venu de nulle part. Alors, ma cinquième plus grosse surprise de ce début de saison, c'est une semi-surprise dans le sens où elle est assez récente. C'est Ryan Mason, le milieu de terrain de Tottenham. Donc Ryan Mason qui a 23 ans quand même, qui sort de plusieurs prêts assez peu fructueux en France ou dans les divisions inférieures anglaises. Et voilà, dans ce marasme de Tottenham, il a réussi à se faire une place au milieu de terrain aux côtés d'Ethan Capou. Et il surnage dans le collectif des Spurs. Voilà, c'est un milieu de terrain assez gringalet, qui est bon techniquement, plus dans la verticalité, capable de remonter le ballon, mais aussi de distribuer, très bon dans les relais courts, dans les petites combinaisons. Donc voilà, il fait son trou à Tottenham. C'est vrai que je suivais quand il était dans les divisions inférieures et je suis assez content de voir que il a vraiment réussi pour le coup à saisir sa chance. Et voilà, c'est devenu un élément du 11 type des Spurs et j'espère qu'il va y rester. Ok, on va passer à mon numéro 5. Semi-surprise aussi parce qu'on en a déjà parlé et d'ailleurs on lui a tiré à boulet rouge dessus, c'est Danny Welbeck. Alors on lui avait tiré à boulet rouge dessus, tout simplement pour le montant déjà qui était complètement déraisonnable, c'était 20 millions il me semble, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est un mec quand même qui en pointe ne donnait pas satisfaction, d'ailleurs il donnait pas satisfaction où que ce soit à Manchester United. À sa décharge, il était dans une équipe qui tournait pas très bien non plus. Et pour le coup, depuis son arrivée à Arsenal, c'est pas mal de buts marqués, pas mal de buts donnés, une activité constante sur le fond de l'attaque, si bien que je pense qu'Olivier Giroud aura vraiment du mal à leur piquer sa place. Mais on passe au numéro 4. Alors de mon côté, c'est une surprise, surprise qui vient de tout droit des trois derniers matchs. Du côté de Newcastle, Ayoze Perez. Alors lui pareil, je sais pas du tout d'où il vient. Il est très très jeune, je crois il a 18 ans ou 19 ans. Et c'est un tout petit attaquant qui est même pas trapu ou quoi, il est assez fin physiquement. Un sens du but assez exceptionnel. Alors, son dernier but, c'est une perle, hein. Une talonnade du côté du Hawthorn sur un centre venu de la droite. Vraiment, un attaquant, comme on en fait assez peu maintenant, c'est-à-dire que physiquement, il n'en impose pas. Il va pas occuper physiquement les défenseurs, mais il va occuper les défenseurs par ses déplacements, son intelligence de jeu, et sa subtilité dans la touche de balle, des contrôles toujours excellents, il se positionne très bien par rapport à la balle, il protège la balle par ses déplacements plus que par ses épaules, etc. Et alors là, je suis très très curieux de voir s'il va continuer de faire un petit bout de chemin à Newcastle et où est-ce qu'il ira plus tard. Parce que en trois matchs que j'ai vus, c'est vraiment un joueur avec une vraie classe, pour le coup. Alors moi, ce sera Oscar. Oscar, parce que le Brésilien a pris une nouvelle dimension cette saison à Chelsea. Donc il faut savoir qu'il sort de deux saisons où il a énormément joué, il a enchaîné les matchs tel un marathonien. Ce qui fait qu'il a montré de très bonnes choses, mais qu'il a évidemment montré ses limites physiques, à savoir qu'il est passé au travers de plusieurs rencontres. Et cette saison, par contre, Oscar prend une nouvelle dimension, alors qu'il sort quand même d'une Coupe du Monde. Mais voilà, il s'est imposé comme un élément incontournable du système Mourinho, un Mourinho qu'il adore d'ailleurs. Et à côté de la triplette médiatisée que forment Hazard, Costa et Fabregas, Oscar c'est quelqu'un qui est très très important et indispensable à Chelsea. Que ce soit d'un point de vue offensif évidemment, puisque c'est quelqu'un qui apporte énormément en termes de construction, mais aussi en termes de déplacement, de distribution, et d'un point de vue défensif, c'est lui qui démarre le pressing, qui harcèle ses adversaires, capable de couper les lignes de passe, excellent tactiquement. Et je pense que ce joueur, c'est une vraie grosse plus-value pour les Blues, et depuis quelques matchs, il se révèle, il se montre sous son meilleur jour. Et jusqu'à la fin de la saison, je pense qu'Oscar va gravir les échelons et il va s'établir en tout cas comme un vrai grand joueur de foot. Mon numéro 4, c'est aussi une surprise sans lettre, mais quand même une belle surprise, c'est Stewart Downing qui est rappelé en sélection anglaise. On avait complètement perdu et oublié Stewart Downing lors de son passage à Liverpool, qui n'a pas été très fructueux, il faut le dire. Et là, on retrouve un Stewart Downing qui atteint le même niveau, voire peut-être même meilleur que celui qu'il avait à Aston Villa. Sélection méritée, après j'espère juste au moins que Hodgson saura le faire jouer, enfin s'il le fait jouer d'ailleurs, saura le faire jouer au poste, à son nouveau poste, c'est-à-dire en pointe d'un losange, et plus sur les côtés, puisque finalement il joue à ce poste-là cette saison, et c'est plutôt fructueux pour l'équipe de West Ham. Donc à voir sur le restant de la saison, mais je pense qu'on peut clairement s'attendre à une bonne saison de sa part, s'il n'y a pas de blessure qui vient le gêner. De mon côté, ça a déjà été cité. C'est milieu de terrain de Tottenham, nouvellement titulaire là en début de saison, c'est Ryan Mason. Comme tu l'as dit, voilà un parcours un peu spécial, trimballé dans prêt, même à Lorient, etc. D'ailleurs, où il n'a pas du tout joué. C'est un joueur à découvrir, hein, si vous ne le connaissez pas encore. Alors bon, malheureusement, aujourd'hui, regarder les matchs de Tottenham, c'est pas une grande partie de plaisir. Mais lui, pour le coup, il apporte une petite sucrerie sous la langue. Un joueur, comme tu l'as dit, gringalet, un petit peu un petit échalas, parce qu'il n'est pas spécialement grand, mais il est très fin. Il court beaucoup, il est quasiment ambidextre. Et il se déporte énormément, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas lucide. Il fait toujours des bonnes passes, des bonnes courses. Sans la balle, il a une activité vraiment démentielle. C'est un joueur, je pense pas que ce soit un joueur de classe mondiale, mais dans un effectif d'un très grand club, moi je lui vois sa place comme joueur de complément. Je lui vois totalement une place s'il continue de produire de pareilles performances en équipe d'Angleterre. Je vois déjà grand pour Ryan Mason parce que ce que j'ai vu, c'est très très prometteur. Alors moi, mon numéro 3, ce sera Wayne Routledge, tout simplement, puisque bon, on a parlé de Swansea, évidemment. Et depuis le début de saison, j'ai vu un nouveau Wayne Routledge. Autant j'avais vu de lui un joueur un peu stéréotypé, mais depuis le début de saison, il porte Swansea à sa manière, comme d'autres joueurs que son Key, par exemple, ou Sigurdsson. Et voilà, il est très important. Il devrait peut-être avoir sa chance en équipe d'Angleterre. Je ne sais pas si Oxon va tenter le coup, mais en tout cas, il mérite puisque c'est l'un des meilleurs ailiers anglais depuis ce début de saison. Et donc voilà, pour moi, c'est une vraie surprise. Mon numéro 3, pareil, une surprise sans lettres. Encore un nouveau sélectionné, c'est Saïd Obeiraino. Alors pourquoi une surprise? Tout simplement parce que l'année de la confirmation, c'est toujours la plus difficile. Et ce petit mec-là, il a réussi à porter à bout de bras son équipe de West Brom, qui tourne plutôt bien, contrairement à ce qu'on en avait dit en début de saison d'ailleurs. Il faut être honnête aussi là-dessus. Donc un West Brom qui tient bien le rythme, mais grâce à son attaquant, Saïd Obeiraino, dont on attend beaucoup finalement. Ouais, c'est vrai qu'au début de saison, on n'était pas très optimiste pour West Brom. Pour le coup, ça se passe relativement bien. Alors mon numéro 2, ce sera l'attaquant de West Ham, Diafra Sakho. Bon, alors j'aurais pu parler de West Ham en général, c'est vrai qu'on est plutôt agréablement surpris, je pense tous, par les productions de West Ham depuis le début de la saison. Mais Diafra Sakho, lui, je suis particulièrement surpris. Bon, j'avais déjà entendu parler de son niveau de jeu en Ligue 2, mais alors de là à s'adapter et à battre des records du côté des Hammers en termes de buts marqués pour un début de saison, là franchement je dis chapeau. le jeune attaquant Diafra Sakho venu de Metz est en train de mettre la barre très très haut pour ses débuts. J'ai un peu peur pour la suite, pour être honnête. Alors j'ai envie qu'il continue à me surprendre. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, ma deuxième plus grosse surprise de la saison, à la première, vous allez voir, c'est du lourd. Alors moi, bah, vous avez déjà parlé de Downing, voilà, sur repositionnement en 10, qui fait de lui un joueur totalement... on découvre en fait, on redécouvre Stewart Downing, qui était un joueur stéréotypé, qui a complètement loupé sa pige à Liverpool. J'avais Diafra Sakho aussi, bah voilà, je vais parler un peu de West Ham. Diafra Sakho, bah t'en as parlé, tu viens tout juste d'en parler, Ali. Et aussi, je voudrais ajouter un truc, c'est que Diafra Sakho, il est très important tactiquement à West Ham, puisque West Ham, on l'a déjà développé, évolue dans un 4-4-2 diamant, et sauf qu'en phase défensive, les Hammers évoluent en 4-2-3-1, et voilà, Diafra Sakho vient prendre cette place sur la droite. Il est très très important, il a notamment réalisé un très gros match défensivement face à Manchester City, donc voilà. Et finalement, bah West Ham, Big Sam, quoi, Big Sam qui propose du jeu. Qui a réussi à se renouveler. Alors, peu de monde l'attendait, avec les réclamations des fans des Hammers, beaucoup de monde le voyait emporter la course de l'entraîneur viré le plus rapidement, mais non, Big Sam a réussi le challenge. Il nous propose du beau jeu dans une équipe qui tourne et qui est quatrième du championnat, donc chapeau à lui et chapeau aux Hammers. Alors, qui c'est que j'ai choisi pour le numéro 2 ? Bah, c'est Ronald Koeman, entraîneur que je ne supportais pas quand j'avais suivi Valence. Et il avait fait un passage très court et il avait foutu le boxon dans le vestiaire, environ Albelda, environ les cadres notamment. Le seul truc positif qu'il ait fait finalement, c'est gagner une coupe, qui est finalement le dernier titre d'ailleurs remporté par le FC Valence. Mais voilà, j'ai redécouvert sous un autre jour, c'est beaucoup plus proche de ce qu'il a pu faire aux Pays-Bas, notamment. Et c'est lui qui est à l'origine du plus ou moins renouveau qu'on n'attendait pas du tout de Southampton cette saison, puisque je vous rappelle qu'ils ont quand même été dépecés, les pauvres. Ils ont perdu quand même la majorité de leurs meilleurs joueurs, et il a su faire un recrutement qu'il fallait faire. Et après, au niveau du jeu, c'est pas grandiose encore, hein. C'est super solide. Par contre, on a une surprise qui est Southampton, et pour moi, on a une surprise qui est Ronald Koeman. Bon alors, mesdames et messieurs, numéro 1 des meilleures surprises de la saison. Ça aurait pu être Southampton, évidemment, c'était trop facile. Moi, je me suis dit, vous allez parler de Southampton, tout ça. Du coup, j'ai nominé Richard Dunn, le seul, l'unique, qui a marqué cette année déjà son 10e but contre son camp dans sa carrière en Première Ligue. Et ce week-end, il a un peu raté le coche, parce qu'il aurait pu marquer son 11e sur un contre 1 d'Aguero contre le gardien. Aguero dépasse le gardien, et là, il veut tirer dans le but vide. Dunn arrive à la sauver, quoi. Et moi je dis bravo, ça m'a surpris quand même, parce que habituellement je pense que Richard Dunn aurait trouvé le moyen, voilà, d'essayer de la dévier du talon, ça aurait fait poteau rentrant, un truc comme ça bizarre. Non là, Richard Dunn, respect, tu m'as surpris, tu n'as pas marqué ton 11e but contre ton camp. Enfin, c'est vrai que j'ai eu aussi des sueurs froides. Alors moi je vais pas non plus vous parler de Southampton, hein. Donc moi ma plus grosse surprise de la saison, c'est Burnley. Non, je rigole. C'est aussi Southampton, c'est aussi Southampton évidemment, parce que c'était le débat de la semaine dernière. Les scènes s'impressionnent, meilleure défense du championnat, deuxième meilleure attaque, deuxième du championnat avec 25 points, 11 rencontres, c'est tout bonnement excellent pour un entraîneur, Ronald Koeman qui a réussi son mercato, qui a réussi à reconstruire une équipe, puisque oui, il fallait reconstruire une équipe entièrement. Et voilà, on a eu des belles révélations à l'intérieur même de l'équipe, que sont Graziano Pelé, que sont Dusan Tadic, que sont Sadio Mané, pardon. Donc voilà, Southampton, pour moi, mérite amplement cette première place et ce statut d'équipe et de plus grosse surprise du championnat. Mon numéro 1, Ali Sissoko et sa nouvelle conduite de balle. Vous l'avez déjà vu avec sa nouvelle conduite de balle, sérieux? Vous l'avez vu ou pas? Non, vous avez bien fait. Non, c'est pas ça. Non, mon numéro 1, pas de plus sérieux, c'est West Ham et son attaquant Diafra Sakho qu'on a déjà nommé avant. West Ham, c'est quand même 19 buts et déjà 5 victoires, soit autant, c'est exactement le même bilan qu'ils avaient au mois de février 2014. Vous imaginez ? Donc à 4 mois après. C'est-à-dire qu'ils ont attendu le mois de février 2014 pour pouvoir enchaîner leur 5e victoire en championnat. Donc, je me fais vraiment pas de soucis pour cette équipe-là, même s'ils connaîtront un moment de moins bien aussi. C'est quand même une équipe qui a les postes à peu près tous doublés, donc voilà, il y a pas trop de soucis de ce côté-là. Le seul souci qu'on puisse avoir éventuellement, c'est justement une blessure de Valencia ou de Sakho, parce que devant, c'est quand même pas aussi top que ça pourrait l'être ailleurs. Hein. La semaine dernière, Sakho n'a pas démarré parce qu'il était blessé d'ailleurs. Ah, ils ont Carlton Cole là qui a réussi à obtenir, il a réussi à obtenir un coup franc ou un penalty alors que c'était lui qui a fait faute. Il y a Carole qui revient aussi, ça va être ça va être intéressant. Ouais, avec Carroll qui a fait rentrer en mode je suis un warrior, je veux tout casser. Il a réussi à placer deux belles têtes. Et derrière, il était comme une bête qu'on avait lâchée de sa cage après 10 jours sans manger. C'est là. Dommage, hein, parce qu'ils sont quand même tombés contre un Aston Villa qui jouait à 25 derrière, qui avait mis le cuisinier, le rempart, enfin voilà. Ah non mais ouais. Aston Villa ils sont dans une crise de confiance, ça, je pense que ce match leur était vital. Hein. Ils attendent le retour de Delph. Surtout après la défaite contre Tottenham, alors celle-là pour le coup elle était pas et je l'avais déjà dit avant, mais je pense clairement que le Boxing Day et les environs du Boxing Day ce sera fatal pour cette équipe d'Aston Villa. Voilà, on va passer du coup au preview des deux matchs, on en parlera peut-être plutôt la semaine prochaine tiens. Qui est la question des auditeurs, donc on a sélectionné trois questions au hasard comme d'habitude. La première est de J.E., alors je ne connais pas son prénom, voilà, c'est J.E. Ça peut être Ali, Alice ou je sais pas, bref. Ne trouvez-vous pas, pardon, que Oxlade Chamberlain et Montero ont des profils relativement similaires? Ah, sacrilège, ne pas dire ça. non, franchement, désolé J.E., une réaction un peu virulente, mais il y a des points communs, on va dire que Montero et Oxlade-Chamberlain, d'ailleurs c'est marrant parce que on avait un peu fait une comparaison avant l'heure, tout à l'heure on en a parlé quand on parlait de Montero dans le top. Alors il y a des qualités physiques assez similaires, même si je pense que Oxlade-Chamberlain a plus d'endurance. D'ailleurs je pense que l'avenir d'Oxlade-Chamberlain, hein, moi j'en suis convaincu, c'est milieu latéral voire arrière latéral. Ce Montero, enfin techniquement ça n'a juste rien à voir. Enfin c'est un joueur offensif comme on les aime, c'est-à-dire un garçon qui est capable de faire des passes décisives, de passer un joueur en contre un uniquement par sa technique pure. Enfin je sais pas ce que t'en penses Rémi, mais je pense qu'on a affaire à c'est pas les mêmes profils de joueurs. Bah je suis d'accord pour dire qu'il y a des points similaires entre les deux joueurs, sont deux ailiers, voilà, capables de déborder, grosse qualité physique, très rapide. Mais c'est vrai que je te rejoins, Ali, c'est que techniquement, Montero, pour moi, il est au-dessus. Il est vraiment capable de faire la différence en un contre un. Et le pauvre Cam Chambers en a fait l'expérience ce week-end. Et de ce point de vue-là, alors que Chamberlain, je pense qu'il mise quand même beaucoup sur ses qualités physiques. Alors que Montero, son vrai atout, ce sont ses qualités techniques. Ouais, je suis un peu d'accord, dans le sens où Chamberlain, c'est un peu plus un tout droit. Enfin, tu sais, on connaît plein de tout droits. Hein. Alors, c'est pas du tout droit, c'est le Walcott, mais ça reste. Ça n'en reste pas loin, et voilà, le truc c'est que, à part dribbler les poteaux de corner et des trucs comme ça... sans rentrer dans les clichés... Je pense que par exemple, Oxlade Chamberlain a plus de qualité, par exemple, pour... Je pense que Oxlade Chamberlain, par exemple, il a une meilleure qualité de frappe, j'ai pas encore trop vu la qualité de frappe... Là je suis d'accord, je te rejoins. Chamberlain est capable de... Il y a une très très bonne frappe de balle, et notamment de loin, il est capable... En fait, on devrait cumuler les qualités des deux joueurs pour avoir un joueur vraiment viable dans une grande équipe. Pour un cyborg. Avec les raids d'Alice Ivoko aussi. Il y a un point dont j'aimerais parler aussi, c'est quand même le fait que Chamberlain a montré un peu de manque d'imagination tactique. Moi je pense que pour un footballeur, ce qui est très important, c'est parfois de s'adapter à ce qui est proposé par l'adversaire, voire même de dépasser un peu ce qui est proposé par ton propre entraîneur. Je trouve que Chamberlain, c'est un joueur qui est quand même limité, comme on dit, le QI football est bas quoi. Alors Montero, j'ai pas encore trop fait attention. Comme je t'ai dit, moi, j'étais surpris. Je pense qu'un joueur qui est plus technique, en général, un joueur qui est plus technique n'est pas nécessairement plus intelligent. Donc je me prononcerai pas là-dessus. Mais Chamberlain, on peut clairement pointer un manque d'intelligence tactique. Ouais, après, à nuancer quand même, parce que, notamment avec Calum Chambers, j'avais vu une belle association où on a un Chamberlain capable de compenser les montées de Chambers. Et on a quand même avoué que Chamberlain a fait quand même pas mal d'efforts et qu'il est bien meilleur cette saison que la saison dernière. C'est clair. Mais d'ailleurs, Wenger, on parle un petit peu de Wenger tout à l'heure, mais il est critiquable aussi sur le cas Chamberlain parce qu'il a baladé tantôt sur l'aile droite, tantôt sur l'aile gauche, tantôt sur le banc, sans véritable raison. Donc voilà. Non, mais surtout, il l'a mis plein de fois au milieu. Enfin, vous connaissez le vrai poste, vous, d'Alex Chamberlain, vous pouvez dire. Pour moi, c'est un vrai milieu droit. En plus, c'est vrai qu'il a joué milieu central aussi. Moi, je saurais pas dire. Pour l'instant en tout cas. Donc attendons qu'il En tout cas, les plus performants sur la droite. Il est tout jeune après, donc faut attendre qu'il ait terminé sa formation aussi. Voilà. On passe à la question de Stéphane, donc il nous dit avec ce début de saison bizarre, quel sera le top 4 pour vous à la fin de la saison? Oula. Et ouais, là on va se fier parce que du coup, ça change complètement par rapport peut-être à nos previews de. Ok. Bon, moi, je veux bien me lancer en premier. Alors, en ce cas-là, je vais me mouiller. Bon, alors déjà dans le top 4, il y aura Chelsea, c'est certain. Je pense qu'il y aura Manchester City. Alors après, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Je pense que c'est les deux autres équipes qui vont accompagner ces deux équipes-là. Je pense que ça va être Manchester United et Arsenal dans ce ordre-là. Voilà. Finalement, c'est pas tellement risqué, mais je pense que ça va être Chelsea, City, United, Arsenal dans cet ordre-là. C'est pas drôle. Non, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Chelsea, City, United, Arsenal, parce que voilà, je pense que United est sur une pente ascendante et la dynamique est sur la bonne dynamique. Arsenal réussit tous les ans à finir dans ce top 4, donc je ne vois pas être éjecté cette saison, d'autant plus que Liverpool, Liverpool c'est Liverpool, ça galère. Alors il y a peut-être Everton à voir. Bon, ils ont pris un peu de retard les Toffees, mais à voir dans quel sens ils vont réussir à jouer maintenant et à engranger les points, mais ils pourraient peut-être titiller ce top 4 à voir. Avec, à mon avis, il y aura 2-3 équipes qui vont titiller le top 4. Il y aura Everton, je pense que Swansea va le titiller. Et je pense que Southampton aussi. Mais West Ham, je pense que eux, ils vont retomber dans leur. Par contre. Ouais, 10e place, c'est à peu près ce qui est leur place. Hein. Peut-être pas aussi bas, mais en tout cas, ils seront. Je pense plutôt en écart de points, tu vois. Je pense qu'ils seront bien 10 points derrière Arsenal à la fin, tu vois. Facilement. Pour le coup, vous êtes pas marrant parce que j'ai exactement le même ordre que vous. On est d'accord. Ouais, moi, c'est de réponse claire. Ouais, mais du coup, peut-être qu'il aurait pu y avoir du changement si Aston Villa avait fait un paquet cadeau à l'une de ces quatre équipes en mettant Sissoko et comment il s'appelle ce défenseur central là. Ah oui, Senderos. Voilà, Senderos. Un paquet cadeau Senderos Sissoko, je peux te garantir que. Et à la Newton, s'il te plaît. Hein. je peux te garantir que l'équipe qui joue avec ces joueurs-là ne fera pas top 4. Hein. Regarde, remarque que Liverpool a réussi à faire deuxième quand même la saison passée avec Sissoko en tant que remplaçant. Donc, tu vois qu'il en manque. Hein. Mauvaise langue. On va chercher en tout cas. Hein. On va passer à une question de Gérald, qui est beaucoup plus sérieuse pour le coup, parce qu'on raconte plein de conneries pour l'instant. Alors, il parle de Jean-Luc Haribar, qui a dit lors du match Tottenham-Stoke sur Canal+, que le duo Nzonzi-Steve Sidwell pourrait très bien jouer dans un grand club anglais type Liverpool ou Arsenal. Bah, j'aimerais votre avis. Sur l'honneur, Rémi, moi j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Hein. Non, mais c'est clair. Les deux équipes étaient posées ce week-end, d'où la remarque, évidemment. Et d'un côté, on a un Capou qui est bon, mais qui a un peu de mal quand même. Hein, et c'est vrai qu'il pourrait peut-être même perdre sa place, parce qu'on a on a d'autres milieux de terrain qui poussent et qui pourraient prétendre à une place dans le 11 avec Mason. Bah, là, on a parlé Stambouli, pour... Stambouli qui a complètement disparu. Enfin, déjà. Ouais. Et voilà, c'est peut-être que lui, pour le coup, pourrait se faire une place du côté de Tottenham. À voir. Bon, Mason, voilà, lui, j'aime beaucoup. Mais du côté de Stoke, ça, c'est clair que la paire Nzonzi-Sidwell, j'en rêvais depuis le début de saison. Mark Hughes a mis du temps à la mettre en place. Il a préféré tantôt aligner Charlie Adam, tantôt aligner Glenn Whelan, il me semble. Mais voilà, Sidwell s'est fait une place aux côtés d'Nzonzi. Nzonzi, un joueur très très puissant, mais qu'il ne faut pas limiter à un rôle de milieu défensif, puisqu'il est capable aussi de belles percées balles au pied notamment, et très bon en termes de distribution. Et Sidwell, moi j'adore, l'an passé à Fulham, il a surnagé, meilleur joueur de la saison, un joueur qui a une très grosse envie, qui travaille beaucoup pour son équipe, qui est assez versatile, qui est capable d'apporter dans tous les domaines de jeu, qui est capable d'apporter en phase défensive comme en phase offensive. Donc voilà, j'adore ce joueur et je pense clairement qu'il a sa place dans la rotation de très grosses équipes comme Nzonzi, et c'est clair que cette perle en tout cas devrait être l'un des facteurs majeurs du retour de Stoke, du retour je sais pas, mais en tout cas du fait que Stoke confirme sa saison et d'autant plus quand tu regardes la valeur financière des deux joueurs. Je veux dire, Nzonzi il vaut pas grand chose, enfin peut-être plus que Sidwell, mais Sidwell a été recruté gratuit, hein. C'est clair que ce joueur là il avait clairement sa place dans des clubs comme Everton ou ailleurs. Puis voilà, il a connu des périodes difficiles avec Fulham, dans des périodes beaucoup plus jolies que ça aussi. Hein. Faut pas oublier qu'il a fait finale d'Europa League. Mais voilà, le fait d'avoir connu du bon comme du pas bon, ça t'amène de l'expérience dans un effectif. Ah, il a fait banquette à Chelsea aussi. Ouais, bah ouais, mais du coup, ça, ça permettra peut-être à un moment donné au vestiaire de ne pas sauter en cas de mauvais résultats, de quelques mauvais résultats. Et malheureusement, il a sagé, il a 31 ans, mais c'est vrai que j'aurais adoré voir ce joueur en équipe d'Angleterre, parce que je pense que sur ce qu'il montre sur le terrain, avec le caractère et la volonté qu'il montre, c'est clairement un joueur qui aurait mérité une petite sélection. Il peut encore l'avoir, mais malheureusement, pour le long terme, c'est plus délicat. Je crois qu'ils ont déjà dépassé le quota de roues dans les... Bon, après, il y a quand même un élément qu'on n'a pas trop parlé là, c'est que on les voit jouer à Stoke. Donc la pression médiatique, l'attente des supporters n'est pas la même. On parle de niveau de jeu sportif, mais il y a un problème qui est différent pour le footballeur. C'est la gestion du mental, en fait, tout simplement. Moi, Nzonzi, j'adore. Hein. Ça fait plusieurs années que tu te dis, si tu le regardes jouer, bah tu peux même te demander pourquoi il est pas appelé au moins, je sais pas. Presque en équipe de France, j'ai envie de dire. C'est comme Schneiderlin pendant très longtemps. Schneiderlin, lui, il arrive dans un club qui maintenant est en haut du classement, mais Nzonzi, on ne sait pas en fait ce qu'il vaut dans un club plus haut. C'est aussi le problème de ces joueurs-là. C'est qu'il n'y a pas qu'une question de niveau sportif en fait. Bah voilà, hein, qu'ajouter d'autre. Pas grand-chose pour le coup. T'as vu un petit truc à dire encore, Rémi, ou pas? Non, bah je rejoins assez l'analyse d'Ali dans le sens où c'est vrai qu'Nzonzi il a pas encore évolué au plus haut niveau, donc à voir ce qu'il pourrait faire dans un grand club et notamment pour pouvoir juger de son mental. Comme Schneiderlin, ouais, c'est vrai que je rejoins aussi, c'est vrai que c'est un joueur qui ça fait plusieurs saisons qu'il est très performant en Premier League et qui aurait mérité quelque chose de plus. Après Sidwell, bon bah on en a parlé un petit peu, mais psychologiquement en tout cas je pense que c'est quelqu'un de très solide de toutes les épreuves qu'il a traversées. Mais en tout cas c'est vrai que je demanderais à avoir cette paire à un niveau plus élevé et elle passera et ce rêve passera peut-être par une élévation de Stoke au classement. Honnêtement si vous aviez été Arsenal, prendre Sidwell ça aurait pas été non plus horrible quoi. Enfin entre Sidwell et Nzonzi, je pense que Sidwell vu la situation Arsenal aurait peut-être été plus adapté parce que c'est vrai que le terrain d'Arsenal est un peu foufou et Nzonzi c'est pas non plus c'est un joueur qui est assez discipliné mais c'est pas non plus la discipline même alors que Sidwell on sait, hein, c'est un joueur tactiquement qui respecte énormément les consignes. Après, bon, le problème de Sidwell, je trouve, c'est que parfois il pète un peu des câbles, c'est-à-dire il prend des roues. Ouais, bon, il a aussi pris des roues qui n'étaient pas viables non plus, donc enfin. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà. Mais après, on parle de ouais, donc, Sidwell nous ont dit. Ils ont dit, c'est pas comme si c'était la première saison. Hein, je veux dire, Arsenal, si vous voulez vraiment. Ça devrait faire c'est longtemps clair que le coup un mec comme Steven Nzonzi à Arsenal pour stabiliser le milieu de terrain pour apporter voilà cet impact physique mais faut pas le limiter à ça c'est vrai que ça aurait été très très intéressant. Ah non mais il a une qualité de passe et tout enfin moi je ouais c'est clair ça, c'est, pour le coup c'est un milieu de terrain très très complet et qui aurait apporté qui apporterait Arsenal peut-être ce qui manque en ce moment au milieu de terrain. Ouais, croyez-moi. Après voilà regardez là en ce moment à Arsenal il y a un joueur qui s'appelle Ramsey qui quand tu te dis Ramsey en pleine forme est-ce que pour toi il est meilleur ou moins bon que Nzonzi? Non mais là tu dis Ramsey. Attends, sauf que le problème de Ramsey c'est qu'il est pas en forme physiquement et qu'il arrive dans une équipe où mais je te parle de le maître voilà Arsenal il manque clairement quelqu'un au milieu de terrain à côté de Ramsey quand ce dernier est à son meilleur niveau. Arteta montre ses limites bah pour moi tu mets quelqu'un comme Stéphane Nzonzi à côté bah et voilà et ouais, Ramsey c'est... clairement c'est pas Aaron Ramsey là c'est plutôt Eric et Ramsey tu vois c'est pas vraiment pas le bon niveau. sauf que tu vois que Nzonzi, bah ça va plutôt être ça va être anti Zizou, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois aussi il va avoir. Enfin, si tu veux, à Stoke City, quand il est pas en forme, bah on le voit pas. On voit que quand il est en forme, parce qu'on en parle en fait. C'est parce que c'est Stoke. Mais alors que Ramsey, s'il jouait à Stoke, quand il serait pas en forme, on en parlerait pas aussi. C'est aussi tout le problème, tu vois. Enfin. Et ouais. Mais c'est quelqu'un qui est assez régulier depuis plusieurs. Enfin, tu l'as souligné, c'est Nzonzi quand même quelqu'un qui est assez régulier depuis plusieurs saisons. Voilà. Bon, en tout cas, pour ce qui est du niveau de jeu des footballeurs, pour répondre à la question d'origine. Clairement, Nzonzi, c'est un joueur qui aurait sa place dans un club top 4, peut-être pas, voilà, comme un joueur de complément, un peu comme Mason tout à l'heure. Et Sidwell aussi. Pareil, ouais. Sidwell aussi. Mais bon, après, Sidwell, le problème, c'est que souvent, quand on prend un joueur de complément, on essaie de faire qu'il soit jeune. Sidwell, sur 2-3 ans, ok, mais pas plus. Mais j'ai vraiment aimé les commentaires d'Aribar, parce que j'ai suivi la rencontre aussi, et clairement, chaque fois que Sidwell venait piquer le ballon ou Nzonzi venait au passing, il disait, ouais, mais franchement, ce duo-là, c'est énorme, quoi. Enfin, ça mérite plus que Stoke. C'est bien, tant mieux que pour une fois on pointe un peu les joueurs pas forcément très connus et très médiatiques. Ah, c'est clair, parce que pour moi, pour le coup, Sidwell c'est l'un des mecs les plus sous-estimés de ce championnat quand on voit ce qu'il fait la saison dernière. Et là, c'est vrai que je suis très content de voir cette paire parce que je l'attendais Et je pense vraiment qu'elle va apporter énormément à Stoke. On l'a déjà vu en tout cas en partie le week-end dernier. Je trouve ça très bon que des commentateurs de Canal, bah, pour une fois, disent, enfin, ne parlent pas que de la grosse équipe et parlent des petits. Ils parlent pas de Chelsea. Voilà, non, mais parce que Stéphane Guy, c'est un peu son problème aussi. C'est-à-dire que là, Harry Barr, bah, il parle clairement de bah, des petits. Ah, mais ça, c'est parce que chez Canal, ils ont fait un petit peu une nouvelle politique de recrutement et Harry Barr, il a dû apprendre auprès de leurs nouveaux membres, là, tous les Sébastien Chaput et autres. ils ont dû en apprendre de leur part, en fait, je pense. Franchement, ça m'étonnerait pas. Hein. Parce que c'est vrai qu'à la plus, il y a encore 4-5 ans, parler de N11, c'était presque impossible. Ouais, et puis là, maintenant, ils diffusent des matchs à un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas juste focalisé sur Chelsea et Arsenal, même si c'est logique que t'aies beaucoup plus de matchs de ces deux équipes. Mais voilà, ils te passent aussi des Stoke City, des petits, et c'est très bon. C'est très bon pour l'exposition de la Première Ligue en France aussi. Hein. Yep. Ben voilà, on a un peu déblatéré sur le sujet, là. On en s'est un peu étendu, on a un peu dépassé. Bah on était très content de vous retrouver. Moi, pour ma part, j'étais très content de vous retrouver, les gars, parce que ça faisait longtemps. C'est vrai que ça devrait. Tu commences à nous manquer. Ouais. Nous, on est très content de retrouver ta voix. On n'est pas par les sentiments, sinon, prochain invité, c'est Alice Isoko. Allez, c'est bon. Tu sais quoi, il suffit de trouver un Sissoko, parce que moi, je m'appelle Alice. Ouais, non, mais on va arrêter le Sissoko bashing, c'est pas gentil non plus. Si ça se trouve, c'est un mec super. Voilà, bref. Mais c'est sûrement un mec super. De la gueule. On critiquait juste ses qualités sur le terrain ou pas d'ailleurs, parce que les qualités, bon, on peut pas les énumérer. En tout cas, voilà, ouais, très heureux de vous avoir retrouvé pour cette semaine. Et cette forme originale, comme on a dit, de podcast, on va la retrouver les semaines à venir, sauf si je suis mourant sur un lit, hein, comme ça a pu arriver la semaine dernière. Mais voilà, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre nouvelle section Dailymotion, qui est toute fraîche, qui a été montée par Rémi. On a un compte Twitter qui est, c'est quoi? C'est @premierleaguepodcast.fr. At PL Podcast. Ouais, vous voyez, vous êtes plus occupé des choses que moi pendant mon temps de convalescence. Attends, c'est pas PL Podcast, c'est PL Podcast FR. PL Podcast FR, voilà, donc Twitter, Dailymotion, un peu tous les trucs possibles. Posez-nous vos questions, parce que du coup, on a dû piocher, là, on a eu quelques-unes, mais on aimerait en avoir plus. Et je vous dis, du coup, à la semaine prochaine pour une émission un peu spéciale focalisée sur l'équipe d'Angleterre. Et ciao tout le monde. Salut, ouais, Sébastien, ciao. Salut Ali. Et à très vite. Bye.